vas-y, la preuve ne t'appartient pas. Pense-tu, pense-tu que l'impossible devienne possible? Pense-tu qu'il n'y a plus d'amour chez tes copines? Aïe, aïe, c'est pour toi je m'isole. J'ai vu toutes les femmes, t'es la plus belle du monde. Elle m'a dit, c'est ta vie. Elle m'a dit, fais m'en aller. Elle m'a dit, prends-moi dans tes bras. Pour la suite bébé, ça va aller. À marcher comme elle. Qui peut, qui peut faire battre mon cœur? Qui peut me mener en balade? Qui peut jouer de mon cœur? Qui peut? Moula, mais tu rêves de Queen Eva. Tu te rabaisse, rappelle-toi. Tu m'aiguisais pour tes gars. Non, non, non, non. Tu dois t'en mordre les doigts. Non, non, non, non. Crois pas que je suis comme tous tes balles. Jaloux, jaloux, aime les gants. K.O. à l'échauffement. Allô, allô, je fais mes gras. Et qu'est-ce que tu te relèves pas? Chez toi, c'est comment? Ah, ah. Tu sais comment faire? Chez toi, c'est comment? Je te l'assure, il n'y aura que toi sur le carrosse. On va tout claquer chez Chanel. Ça fera parler les gens. Le samedi soir, on va.